Tout homme qui déprécie la croix s'engage sur le chemin du blasphème à l'égard de Dieu, car la croix est au cœur du message chrétien. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Du point de vue des disciples, la croix semblait trop déraisonnable pour être crédible. À chaque fois que Jésus tentait de les préparer à son sacrifice, les apôtres rejetaient complètement ses paroles. Pourquoi leur chef, le Messie, consentirait-il à être traité de cette manière? Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus-Christ s'apprêtait à faire pour eux et pour le monde entier. Aujourd'hui, Charles Stanley concentre notre attention sur le cœur de la croix en nous expliquant pourquoi Jésus-Christ devait absolument se laisser crucifier. Même si certains considèrent cette crucifixion comme un acte d'une brutalité barbare et inutile, cette émission révèle qu'elle est en réalité une démonstration de l'amour de Dieu et de sa sagesse incommensurable. Dieu pouvait-il commettre une erreur? Comment aurait-il pu poser un acte tout à fait disgracieux, qui n'avait aucun sens et à la limite de la folie? Sa parole dit, dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Comment Dieu aurait-il pu commettre un acte stupide et insensé? Nous pouvons considérer d'un point de vue humain un événement contenu dans la Bible et nous questionner sur la sagesse d'une décision divine. En effet, la crucifixion de Jésus-Christ était soit une action folle et insensée, soit une action divine et sage. Nous devons choisir, car il ne pouvait pas être les deux à la fois. Mais alors, quel en était le but et quel impact cela exerce-t-il sur notre vie, une vingtaine de siècles plus tard? Nous étudierons aujourd'hui un passage d'une importance capitale si nous voulons avoir une réponse à ces questions. Il s'agit de la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 31. Je vous demanderai de m'écouter très attentivement, car je ne veux pas seulement expliquer le sens de la croix, mais également vous parler du cœur de la croix. En d'autres mots, nous verrons quelle était essentiellement la signification de cette décision divine et pourquoi Dieu ne pouvait trouver un meilleur moyen pour accomplir son plan de rédemption pour l'humanité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 31. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, ici, l'apôtre Paul nous explique dans ce passage qu'il est impossible à l'homme de connaître Dieu par des raisonnements humains. Nous ne pouvons pas choisir nous-mêmes en quels termes nous parviendrons à la connaissance de Dieu. Poursuivons la lecture, verset 21. « Et il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication, c'est-à-dire le message de la croix. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs, c'est-à-dire les incroyants, cherchent la sagesse. » Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont. Et pour quelle raison? Versets 29 à 31. afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Quand nous parcourons l'ensemble des écrits de l'apôtre Paul, nous pouvons retrouver le message de la croix dans ses enseignements et ses prédications. Et cela pour une raison très simple. Il savait que le cœur de la foi chrétienne se trouvait dans la croix. Sans la crucifixion de Jésus-Christ, il ne subsiste aucun espoir, aucun salut et aucun pardon de la part de Dieu. Le sang de Jésus-Christ laisse son empreinte écarlate du début à la fin des Écritures. Tout homme qui déprécie la croix s'engage sur le chemin du blasphème contre Dieu, car la croix est au cœur du message chrétien. J'ai la ferme conviction que la croix de Jésus-Christ est le symbole le plus sacré sur la surface de cette terre, car il représente le fondement de notre foi. Nous pouvons alors aborder cette question de la crucifixion de Jésus-Christ sous cet angle. La croix est-elle une folie? Était-ce un acte insensé de la part de Dieu, oui ou non? Si nous demandions l'avis des Romains qui vivaient à l'époque de Jésus, ils répondraient que toute cette histoire est ridicule. Comment Dieu pourrait-il être assez faible pour laisser ses ennemis le crucifier? Rappelons-nous que Rome était l'empire le plus puissant de ce temps. L'aigle romain dominait le monde connu. Et là où Rome régnait, sa puissance, son autorité et sa domination écrasaient tout ce qui se dressait en travers de son chemin. Et toute cette idée, ce concept, ce message de la foi chrétienne, véhiculé par un petit groupe de disciples qui avaient suivi cet homme nommé Jésus et qui prétendait que la croix était un symbole de délivrance pour toute l'humanité, n'était que dérisoire et méprisable. Car la croix était le supplice honteux que Rome réservait aux rebelles, aux criminels et aux esclaves. Un citoyen romain ne pouvait pas être crucifié, peu importe son crime, car ce sort était considéré indigne d'un homme de ce rang. Et l'idée même que le message chrétien était le message de la croix a été mal comprise dès le début. Quoi? Vous nous demandez de croire en ce Jésus, cet homme si faible, cet homme qui s'est laissé crucifier? C'était impossible. Ce message était totalement inacceptable pour les Romains en ce temps-là. Quant aux Grecs, grands amateurs de philosophie, voilà comment ils réagissaient au message de la croix. Un instant, tout cela n'est pas raisonnable. Nous valorisons la sagesse et il n'y a rien de sage chez un Dieu assez fou pour même penser à envoyer son propre fils se faire crucifier. Quelle sorte de Dieu laisserait son fils se faire crucifier pour ses ennemis s'il l'aime? Comment pouvez-vous défendre logiquement cette idée d'un Dieu qui se servirait du meurtre de son fils pour sauver son peuple? Cela ne tient pas debout. Cela n'a aucun sens. Et pour les Juifs, le message de la croix ne faisait pas que susciter le mépris et la dérision, mais aussi une ardente colère. Prenons comme exemple l'apôtre Paul avant sa conversion. Il était alors connu sous le nom de Saul de Tarse. Pour lui, la croix de ce Jésus de Nazareth représentait la chose la plus déshonorable qu'on puisse imaginer. Penser que plusieurs de ses concitoyens hébreux puissent suivre un homme qui avait été crucifié le rendait furieux. Car pour être crucifié, ce Jésus avait été pendu au bois. Et la loi de l'Ancien Testament, citée par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3 verset 13, est claire sur le sujet. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Selon la loi juive, tout homme pendu au bois était maudit par Dieu. Comment alors un homme maudit par Dieu pouvait-il être le Messie tant attendu? Comment pourrait-il sauver son peuple quand il se trouve lui-même sous la malédiction de l'Éternel Dieu? Voilà comment il considérait la croix. Vu sous une perspective hébraïque. Il n'y avait donc rien de bien raisonnable à propos de la crucifixion de Jésus. Toute cette affaire semblait l'œuvre d'un fou. Voici comment aurait réagi un juif typique. « Vous n'êtes pas sérieux. Le Messie sera quelqu'un de majestueux, de puissant et de triomphant. Le Messie est la réponse à tous nos espoirs et à tous nos rêves. Le Messie est exalté et glorieux, mais votre croix, elle parle d'échec, d'humiliation et de défaite. Et vous voudriez nous faire croire que cet homme pendu au bois est le Fils de Dieu? Mais regardez-le, il représente tout ce dont nous voulons être délivrés. » L'humiliation, l'esclavage et la défaite. Notre Messie, quand il viendra, sera majestueux, exalté, tout-puissant. Il viendra en triomphe, nous délivrer de cet oppresseur romain. Ne nous racontez pas toutes ces histoires, ce Jésus n'est pas le Messie. Pour nous, 2000 ans plus tard, il est facile de regarder en arrière et de dire « Nous savons que Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés et nous acceptons ce fait. » Mais si nous nous mettons à leur place, cela ne semblait pas si simple au temps de Jésus-Christ. Nous avons 2000 ans d'Église chrétienne, la parole de Dieu et les explications de l'apôtre Paul. Nous avons plusieurs avantages dont les contemporains de Jésus-Christ étaient privés. Les choses ne se présentaient pas de cette manière à cette époque. C'est pourquoi Paul, avant sa conversion, persécutait agressivement la jeune Église dans le but de la détruire. Parce que cette hérésie apparente donnait une mauvaise impression de la religion juive. L'idée qu'un homme qui s'était laissé ainsi maltraiter et crucifié puisse être le Messie était d'un ridicule choquant d'un point de vue humain. Mais Dieu n'avait-il pas prédit qu'il confondrait la sagesse de ce monde? N'avait-il pas affirmé qu'aucun homme ne peut venir à Dieu en s'aidant de sa propre sagesse? Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22-23, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Pour les Grecs, tout cela était de la folie, et pour les Juifs, la croix était un scandale. Et même aujourd'hui, la crucifixion de Jésus-Christ est incompréhensible pour plusieurs. Selon leur perspective, tout cela semble idiot et dénué de raison. C'est pourquoi ils ont refusé le message de la croix. Considérons à présent cet événement selon le point de vue de Dieu. Tous les croyants qui connaissent le point de vue de Dieu parce qu'il l'a consigné dans sa parole savent que la crucifixion de Jésus-Christ était une expression de sagesse immense et divine. Et je me propose d'exposer pendant les prochaines minutes plusieurs raisons qui me font croire que cela est vrai. Dans le passage du début, dans 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul, après avoir annoncé que Dieu allait annuler la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents par la crucifixion, se fait presque railleur au verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Il était prêt à les affronter tous, car Dieu avait convaincu de folie la sagesse du monde. Dieu a prouvé que le monde, avec toute sa sagesse, ne pouvait parvenir à la connaissance de Dieu. Car le Dieu vivant ne se laisse pas mettre en boîte dans les catégories de la raison humaine. Une raison humaine incapable d'admettre qu'un Dieu se laisse crucifier pour mourir dans d'atroces souffrances, pour ensuite ressusciter des morts. Une raison humaine incapable d'admettre qu'un Dieu puisse faire cela par amour pour son peuple. Or, quel impact cela peut-il bien avoir sur nous qui vivons au 21e siècle? Premièrement, par la crucifixion de Jésus-Christ, Dieu se révélait au monde d'une manière nouvelle et inédite. Il se révélait plus qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. La crucifixion de Jésus-Christ était un message de Dieu qui exprimait son amour inconditionnel pour l'humanité. Regardons maintenant Romains chapitre 5, verset 8, pendant un moment. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Comment Dieu a-t-il prouvé son amour? Par la croix. Par la croix, Dieu nous a démontré son immense amour, même si nous étions encore pécheurs. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. un amour si grand et si intense qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils uniquement engendré dans ce monde afin qu'il meure pour nous. Les religions du monde ne connaissent rien d'un Dieu rempli d'amour pour ses créatures. Les religions du monde, jusqu'à ce jour, ne connaissent rien d'un Père aimant. Les adeptes de ces religions doivent plaire à leur Dieu et tenter de les apaiser. Ils doivent leur offrir toutes sortes de choses et se livrer à toutes sortes de souffrances et faire toutes sortes de contorsions. Ils doivent se sacrifier de diverses manières pour espérer plaire à leur Dieu et les apaiser. Mais par la crucifixion de son Fils Jésus-Christ, Dieu nous exprime son amour inconditionnel et le pardon qu'il est prêt à accorder au monde entier. Deuxièmement, nous pouvons voir comment Dieu exprime sa sagesse par la croix de Jésus-Christ en regardant Romains chapitre 3, verset 23. Ce passage est particulièrement important si nous voulons comprendre la raison pour laquelle Jésus-Christ devait venir dans ce monde et mourir sur la croix. Nous n'avons pas affaire à un acte de folie. Nous ne sommes pas en présence d'un geste insensé. Dans ce passage, le cœur de la sagesse de Dieu et le cœur du message de la croix nous sont révélés. Si on vous demande le sens du message de la croix, Romains chapitre 3, verset 23 constitue un verset incontournable. Lisons-le attentivement, car je vous poserai peut-être quelques questions sur ce verset plus tard. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes plusieurs à avoir mémorisé ce verset alors que nous étions encore des enfants. Mais j'aurais voulu que l'on m'encourage à poursuivre ma lecture pour m'en donner ensuite l'explication, car ce dernier verset diagnostique très bien et très succinctement le problème de l'humanité, mais il n'en donne pas la solution. Continuons donc notre lecture de Romains chapitre 3, du verset 24 jusqu'au verset 27. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, par son sacrifice sur la croix, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Ce passage est extrêmement important si nous voulons comprendre le sens du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Quelle idée Dieu avait-il en tête en laissant son Fils se faire clouer sur des troncs de bois? Révisons un peu l'histoire de l'humanité. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, l'humanité entière a été corrompue. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous avons tous péché contre Dieu, car il avait dit à Adam, dans Genèse, chapitre 2, verset 16 et 17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais Adam transgressait l'ordre de Dieu, entraînant toute sa descendance dans la malédiction de la mort. Dieu avait clairement stipulé que la mort serait la conséquence de la désobéissance. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Point à la ligne. Il ne nous a jamais promis de deuxième chance. La malédiction de la mort pèse sur tous les pécheurs. Adam et Ève ont pris la décision de pécher contre Dieu, comme nous l'avons tous fait. Et le châtiment ultime, la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, pèse sur chacun de nous. Elle pèse sur l'humanité tout entière, car nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. L'espèce humaine tout entière, les milliards de personnes nées après Adam et Ève, ont toutes été placées sous la malédiction de la séparation éternelle par rapport à Dieu et de la mort éternelle, car Dieu est saint et il ne peut tolérer le péché. Selon un point de vue humain, nous pourrions dire que Dieu se trouvait devant un dilemme. Dieu est en effet amour et il désire sauver ses créatures. Mais il est également justice et il ne peut pas contrevenir à ses propres décrets. Nous pouvons constater comment Dieu a résolu cette énigme en relisant Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Une personne justifiée est déclarée non coupable. Mais pour quelle raison est-elle déclarée non coupable dans le cas présent? Grâce à la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Cette personne n'est pas déclarée innocente à cause de ses propres actions ou de ses propres mérites, mais à cause des actions de Jésus-Christ en sa faveur. Notre salut est donc un don gratuit, un cadeau de la part de Dieu. Quelle est au juste la nature de ce cadeau? Nous pouvons lire « Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ». Par sa crucifixion, Jésus-Christ a subi à notre place le châtiment de nos péchés. Rédemption signifie racheter quelque chose ou quelqu'un. Et de qui Dieu nous a-t-il racheté? Du diable? Non. Quand la Bible affirme que nous avons été rachetés de nos péchés, cela ne veut pas dire que Dieu a dû payer Satan pour nous sauver. Cela signifie simplement que Dieu a satisfait lui-même l'exigence de sa parfaite et divine justice. Et quelle était cette exigence? Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un devait mourir pour notre péché. Nous devions alors mourir pour nos propres péchés. Et une autre personne ne pouvait pas mourir à notre place, même si elle y consentait, car elle devait elle-même mourir pour son propre péché. Pour satisfaire la justice de Dieu, il fallait qu'une personne, elle-même sans péché, s'offre pour mourir à notre place. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour nous après avoir vécu sans jamais pécher. Nous ne devons donc pas comprendre que, pour nous racheter et nous sauver, Dieu a dû payer Satan. Dieu a seulement prouvé sa parfaite justice. Et puisque le châtiment de notre péché était la mort, quand Jésus-Christ est allé à la croix, il a payé le juste châtiment, la dette de notre péché en mourant à notre place. Continuons notre lecture dans Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Dieu a démontré publiquement sa justice en livrant son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour nos péchés. Car Dieu devait démontrer sa justice. Or, comment pouvait-il demeurer un Dieu juste et véritable, un Dieu qui ne modifie pas ses propres décrets, quand il avait affirmé dans Genèse chapitre 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Un Dieu parfait et juste ne pouvait pas simplement déclarer « L'homme a transgressé mon commandement et il mérite la mort. » Mais bah, après tout, ce n'est pas si grave. Cette transgression méritait la mort. Quelqu'un devait mourir. Dieu a alors considéré la position dans laquelle l'humanité se trouvait. Chaque homme et chaque femme se trouvaient alors condamnés et perdus, sans aucun espoir. Comment Dieu, dans son amour infini, pouvait-il intervenir en faveur d'une humanité déchue, tout en restant le Dieu juste et saint qu'il a toujours été et qu'il sera toujours? Il n'existait qu'un seul moyen, dans la pensée d'un Dieu infiniment sage. Il devait sacrifier celui qu'il aimait le plus, celui qui était le plus précieux à ses yeux. Son Fils, uniquement engendré, Jésus-Christ. Il ne s'agissait pas d'un geste insensé. Il exerçait la seule option qui lui permettait à la fois de demeurer un Dieu juste, tout en justifiant, c'est-à-dire en déclarant non coupable, des hommes et des femmes coupables, et de demeurer un Dieu d'amour et de fidélité pour nous permettre de le connaître comme notre Sauveur, de lui faire confiance et de lui obéir en toutes choses pendant tout le reste de notre vie. Car si Dieu avait contrevenu à un de ses propres décrets, s'il avait violé sa propre parole, comment pourrions-nous lui faire confiance? Nous aurions raison de dire, s'il a changé d'idée à ce moment, il pourrait bien changer d'idée plus tard. S'il avait promis de nous faire mourir, sans plus tard tenir sa promesse, même si cela avait été à notre avantage, il ne serait pas un Dieu parfait et immuable. Puisque nous avions tous péché, nous devions tous mourir. Or, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans une chair humaine, afin qu'il vive parmi nous, qu'il marche parmi nous et qu'il meure pour nous. Dieu le Père a envoyé son Fils, uniquement engendré, subir à notre place le juste châtiment de notre péché. Le Sauveur, le Christ, sans péché, a pris sur lui le péché de toute l'humanité, passée, présente et future. Et Dieu le Père l'a fait mourir sur la croix. Le destin de l'humanité était de mourir et d'être éternellement séparé de Dieu. Et la seule raison pour laquelle nous avons échappé à ce triste sort, c'est que Dieu a envoyé son Fils uniquement engendré et qu'il l'a cloué à la croix. En faisant cela, il a satisfait l'exigence de sa parfaite justice en tant que juge ultime qui punit le péché. Voilà le sens de la croix. Sans croix, il ne subsisterait aucun pardon pour nous. Si Jésus-Christ n'était pas mort à notre place, Dieu ne pourrait nous déclarer non coupables, tout en demeurant un Dieu juste qui ne ment jamais, et sur qui on peut dépendre en toutes circonstances. Et tout ce qu'un homme ou une femme a à faire pour profiter du cadeau gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est de reconnaître humblement son état de péché, son besoin de pardon, et d'accepter personnellement Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Par la mort de Jésus-Christ, Dieu est en mesure, dans son amour, de pardonner tous nos péchés et en même temps de rester un Dieu juste et saint. Notre Père céleste n'a jamais transgressé une seule de ses lois. Et comme Charles Stanley nous l'a rappelé, nous pouvons donc faire confiance à Dieu, car il a toujours été et il sera toujours un Dieu parfaitement fidèle à sa parole. L'apôtre Paul était convaincu de la puissance transformatrice de la croix de Jésus-Christ. Elle constituait d'ailleurs le cœur de son message. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 et 2, il écrit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.